La prise de la Bastille. Прослушайте текст и скажите, почему разрушили Бастилию. La Bastille, construite au moment des grandes guerres pour défendre Paris, servit plus tard de prison. Ce château fort avait 8 tours entourées d'un fossé rempli d'eau, derrière lequel s'élevait un grand mur. On y enfermait tout homme qui avait déplu au roi ou à l'un de ses favoris. C'est pourquoi, en 1789, le peuple de Paris, voyant dans cette prison l'emblème du despotisme royal, la détruisit. Le 14 juillet au matin, Paris était prêt à attaquer la Bastille, ce monument qui, depuis près de 5 siècles, était la forteresse de l'injustice. 1000 hommes entouraient la Bastille. Ce n'étaient pas seulement des ouvriers, c'étaient des citoyens de toutes les classes. Ce n'étaient pas seulement des hommes, c'étaient des enfants, c'étaient des vieillards. Et tous étaient armés. Le même cri s'élevait des faubourgs. « Aux armes ! À la Bastille !» Alors commença une fusillade intense. Mais pour tout homme qui tombait, 20 autres prenaient sa place. La Bastille fut prise sans capitulation. Le cri « La Bastille est prise !» s'éleva sur Paris et ensuite sur toute la France. À ce cri, 1 million d'hommes s'embrassèrent. La prise de la Bastille fut la première victoire du peuple français sur l'injustice. Chaque année, le peuple français fête le 14 juillet, jour de la prise de la Bastille.